Essai sur les mœurs. L'essai sur les mœurs, raccourci de l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations, complète l'histoire universelle de Bossuet, dont j'ai enregistré pour vous des extraits. C'est une histoire du monde, de Charlemagne, où s'était arrêté Bossuet, à Louis XIV, sur laquelle Voltaire travailla plus de 25 ans. En effet, elle parut à Genève en 1756 et Voltaire ne cessa d'y travailler jusqu'à sa mort en 1778. De cette œuvre immense, répartie en 197 chapitres, j'ai extrait les pages suivantes que je propose maintenant à votre attention.